rappeur pédale converti au R&B. À force de faire ta petite voix de bitch, tu t'es paumé comme un bille. Casse-toi, ne me fais pas la bise. Va faire du feat avec ta chante algoïen. Et rallons nos baguilles. Trop de R&B, man. On a le flow de rugby, man. On force sur ses cordes toxicomanes. On va vous péter des man. On fait des trous de partout sur une sale estru trop normale. À sens du track, mon star crew. Ça peut finir trop mal. Range ta pétasse de Akon. J'ai été percé avec du BO et des joints crunch. J'resterai vrai à la KRS-One. On fait des délits. Je fais des cicatrices comme sur cette pute de Nelly. J'fais pas du dirty. J'reste un vieux bâtard à la order. J'y bat pas cause. Prêt pour faire à la mépro. Si tu fais une 4 carats, qui fait des feats avec une zapara. Y'a pas des 6 heures. Lil Wayne, Cisco et Escher. On débite et débite avec des flots trash à la Big Punisher. Garde des travelots de Mathieu Edouard, Matt Bukoura et au signe de la Sarah. Je refilerai dans mon rang. Mon équipe casse la baraque, casse les fondards de Lil Jon. Et fait des sales coloscopies à Chris Brown. On escape le R&B et sa femme enceinte. On te cèdre si tu mets du HNG dans tes enceintes. Le tag te servira des sales verres d'absinthe. Sans fin ni fête, mes pas ne rateront pas 50 cents. Armé, condamné, ton R&B va. On défie ton armée de chanteuses affamées. On s'est fait affamer là depuis des années. On est armé, condamné. Ton R&B va caner. On défie ton armée de chanteuses affamées. On s'est fait affamer là depuis des années. On est le Wazer rap, le Darken rap. Y'a trop, trop de R&B à la radio. Ils forcent notre image, travestissent nos idéaux. Y'a trop, trop de fausses is à la radio. Arrive pour mettre des claques. Le R&B une femme qui se dessape. Le rap une pite qui se fourre dans sa chatte. L'offre on te chasse, tu peux baisser ta face. J'ai trop du mon produit qui t'écrase les pétasses. Tu brilles les filles épatées, tu vis et vois ta clarté. On skie l'esprit évadé, reviens en force t'écarter. Faux cul en faux style, remballe ta dégaine. Soit disant style avec tes bagues et tes chaînes. Corps musclé, huilé, tu furlis les filles dégage. On a trop fumé, sué. Tu te fonds dans la buée qui se propage sur la vitre qui sépare nos deux arts. Ton style non toi rends-le et t'envoie à l'abattoir. Et ouais mec, je desserre ma cause, vas-y desserre les dents. Dessert une danse de style effervescent qui te laisse un goût amer. À mon goût le R&B de la merde, nique sa mère. Je l'emmerde et l'enterre, c'est la guerre. Vas-y viens me clasher avec ta voix de pédale. Ici c'est l'enfer, les chanteuses me régalent. Armé, condamné. Et ton putain de R&B va caner. Armé, condamné. Ton R&B